Tu fermeras tous tes volets quand je ne serai plus là. Tu diras qu'on t'a tout volé quand je ne serai plus là. Parfois tu pleureras tout bas quand je ne serai plus là. Mais là-haut, tu sais, je veillerai sur toi. Tu penseras, c'est une injustice quand je ne serai plus là. Tu fabriqueras mon édifice quand je ne serai plus là. Tu graveras mon nom sur du bois quand je ne serai plus là. Mais là-haut, tu sais, je veillerai sur toi. Une messe, une chanson et des fleurs quand je ne serai plus là. Mon testament repris tous en cœur quand je ne serai plus là. Ce sera un merveilleux repas quand je ne serai plus là. Mais là-haut, tu sais, je veillerai sur toi. Mon amour, je serai enfin heureux quand je ne serai plus là. Alors, ami, sois heureux pour moi quand je ne serai plus là. Non, je t'en prie, ne pleure pas quand je ne serai plus là. Car là-haut, n'en doute pas. Oui, là-haut, sois sûr de ça. Là-haut, tu sais, je veillerai toujours sur toi. Mm-hmm.